Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Donc, Méloman, édition du 2 décembre 2015. Et oui, déjà le mois de décembre. Merci de votre présence au poste, chers auditeurs et auditrices. Vous avez été nombreux, comme toujours, à suivre la semaine dernière. Et ce, malgré la joute de crosse du Canadien de Montréal, qui, pour une première partie de la soirée, était diffusée en même temps que votre émission hebdomadaire de Méloman. Mais on est quand même chanceux, c'est quand même rare qu'il y ait une partie de mercredi. Mais quand même, si ça arrive, il n'y a rien qui vous empêche, comme je l'ai dit souvent, de mettre la partie sur mute et de la regarder en même temps que vous écoutez Méloman. Je dis ça comme ça. Donc ce soir, un petit spécial minuscule, rien à voir avec les grands spéciaux à grande thématique, là, comme le Motown et autres qu'on a pu faire l'émission. Mais tout de même, tout aussi plaisant, je dirais même, peut-être le plus poétique. Parce que ce soir, tout au long de l'émission, le thème va être la couleur bleue. Et oui, c'est pas plus compliqué que ça, mais attention, je me suis quand même mis une petite contrainte. J'ai éliminé de mes sélections tout ce qui pourrait contenir le mot blues, parce que là, ça serait vraiment trop facile. Donc, que du plaisir en vue, un petit exercice de style comme ça pour le plaisir de la chose, mais surtout, toujours de la bonne musique en vue. Et voyez-vous, une drôle de thématique bleue. On fera pas l'émission là-dessus non plus, mais encore, malheureusement, des tueries qu'on... en Californie. Donc, peut-être que la thématique bleue pourrait avoir à voir avec ça. On pense aux victimes, ça, c'est certain. Et ça commence fort avec le single 12 pouces ou maxi 45 tours, si vous préférez, le plus vendu de tous les temps. On parle bien sûr de New Order, né des cendres de Joy Division, groupe légendaire. On est en 1983 et la chanson est Blue Monday, 99.1 CFNJ. We'll be right back.

and felt about each other. If they'd have mercy, don't let the past remind us of what we are not now. I am not grieving. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free, and I am crying. This does not mean I don't love you, I do, that's forever, yes, and for always. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Fear is the lock and laughter the key to your heart. And I love you. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard, and you make it hard, and you make it hard, and you make it hard. She's so free. How can you catch the sparrow? Méloman, spécial bleu au 99.1 et 88.9 CFNJ dans tout Lanaudière. Et oui, ce soir, le lien ténu qui unit notre musique et la couleur bleue. Demandez-moi pas pourquoi, il n'y a pas de raison valable, juste du plaisir. Et du plaisir, on vient d'en avoir avec notre dernier bloc qui s'est terminé sur un classique de Crosby, Stills & Nash de 1969. Comme un auditeur vient de me le faire remarquer, c'est de la bombe tirée de leur premier album éponyme, ou plutôt on devrait dire homonyme. On a entendu une suite dont ils avaient fait une interprétation légendaire au tout aussi légendaire festival de Woodstock, soit Sweet Judy Blue Eyes. C'était précédé d'Elvis Presley avec Blue Suede Shoes, évidemment, en 1956, un classique de Carl Perkins dont j'aurais pu vous mettre l'original. Mon cœur de mélomane saigne, mais pour les besoins de la cause, je trouvais la version de Presley un peu plus punchée. Sinon, la version magnifique de Mammy Blue de Nicoletta, chanson qui nous provient du gospel qu'elle a enregistrée en 1971, une des très belles versions qui existent de cette pièce. Encore une fois, j'ai hésité à savoir si je vous mettais celle de Patoff Blue, qui est sortie un an plus tard, mais le cachet de la version de Nicoletta me fait toujours craquer. En espérant que ça a été le cas pour vous aussi. Et le tout qui avait commencé avec Blue Monday de New Order, groupe très important de la scène de Manchester en Angleterre. On y va maintenant avec un classique composé par Irving Berlin en 1926, qui a été repris des milliers de fois parce que devenu standard de jazz. On l'écoute ici par Madame Fitzgerald et sa version magnifique de 1958. Blue Skies au 99.1 CFNJ. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Be it in do it in do be it in do but do but do Up, up, up.

toujours à Méloman, au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on vient d'entendre plusieurs classiques, chacun dans leur genre, dans le cadre de notre spécial bleu. Comme ça, un spécial bleu, il n'y a pas vraiment de raison, on est fou de même à Méloman. Et c'est avec Vicky Lendros qu'on vient de terminer le bloc, une chanteuse aussi, qu'on aurait pu mettre dans notre petit bloc grec. C'est dur à dire à la radio, ça, il y a quelques semaines, parce qu'elle est née en Grèce. Et je ne saurais même pas dire, prononcer son vrai nom, parce qu'il est à peu près long comme mon bras. Vicky Lendros, qui est à l'origine de plusieurs chansons connues, telles que « Le temps des fleurs », version française de « Those were the days » de Mary Hopkins, enregistrée en studio par Paul McCartney en passant. Et celle qu'on vient tout juste d'entendre, « L'amour est bleu » de 1967. Juste avant, une chanson qui nous provient d'un album que l'édition française du Rolling Stone Magazine a cru bon d'inclure dans sa liste des meilleurs albums français et qui est arrivé en 45e place, « Les mots bleus » de Christophe. Vous vous souvenez, il y avait des chanteurs comme ça qui marchaient juste sous un prénom. En fait, Vicky aussi, souvent. Vicky Lendros, c'est son nom de famille, mais souvent, on disait seulement Vicky ou seulement Christophe. Il y a eu une mode comme ça. Donc, c'était Christophe qui avait collaboré avec nul autre que Jean-Michel Jarre en 1974 pour l'album Un pionnier de la musique électronique, pour ceux qui connaissent. Et sinon, un titre qui suivait dans les mêmes thèmes des cieux bleus, si on peut dire, la magnifique Blue Skies d'Ella Fitzgerald qu'on a entendu en premier, Goodbye Blue Sky de Pink Floyd, un titre tiré de leur célèbre opus The Wall de 1979. Et on poursuit tout de go avec du bleu mur à mur. On y va avec un bloc complètement disparate à la Méloman, toujours à 99.1 CFNJ. I never knew love before. voix mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ avec vous partout dans la Nodière. Et oui, vous commencez à le savoir, on est dans le très varié à mélomane, faut être ouvert d'esprit. C'est pourquoi on vient d'entendre le groupe de punk de Los Angeles X, choix assez obscur, j'en conviens, avec la pièce Blue Spark tirée de leur album Under the Big Black Sun, plutôt de 1982. Qui suivait impunément la valse très connue du Danube bleu de Johann Strauss, fils, parce que son père aussi a fait quelques valses très connues, mais jamais autant que son fils Johann Strauss II, qui était définitivement le hitmaker de la famille. Donc, il s'agissait d'Ander Schönenblauen Donau, communément appelé la valse du Danube bleu, ce fleuve qui est le deuxième plus long d'Europe. Et une valse qui, étonnamment, n'a pas rencontré un succès retentissant lors de sa sortie en 1866, mais qui, comme plusieurs grands classiques que tout le monde connaît, va devenir très connu par la suite, mais sur le moment n'a pas été un succès. Et juste avant, d'autres surprises inattendues en la personne d'Enya, chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste irlandaise qui roule sa bosse depuis maintenant quoi près de 30 ans quand même, et qu'on associe souvent à tort ou à raison au monde du New Age. Chose certaine, elle a son petit monde à elle bien particulier et on a pu l'apprécier avec la magnifique pièce Caribbean Blue tirée de son album Shepherd Moons de 1991, de loin mon préféré d'elle. Et c'était bien sûr précédé de Madonna en 1986 avec True Blue tirée de l'album du même nom et de la même année. Et ce qui unit tout ce beau monde-là ce soir, je le rappelle, ce n'est que la couleur bleue et ça nous permet d'être éclatés à souhait. On y va maintenant avec les incontournables de la couleur bleue, si j'ose dire, des classiques, en commençant par une pièce qui avait déjà été un gros succès et qui va en redevenir un grâce au film de David Lynch, qui va non seulement faire usage de la chanson, mais va aussi prendre carrément son nom. On parle de Bobby Vinton en 1963 et de son plus gros hit Blue Velvet. Donc on écoute ça juste après la météo à l'instant au 99.1 CFNJ. Centre et sud de la région pour les prochaines heures, c'est de la faible neige, parfois mêlée de pluie qui débutera cette nuit. Nappe de brouillard, température à près de 1 degré. Jeudi, de la neige, parfois mêlée de pluie. Le matin, on devrait avoir une accumulation de 2 cm. Sur les secteurs du centre et du sud, température près de 1 degré et alternance de soleil et de nuages pour vendredi, maximum de 1. Quant à nos secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, pour les prochaines heures, neige intermittente qui débute cette nuit, du brouillard à minimum de 0. Neige intermittente jeudi, température près de 0 et alternance de soleil de nuages vendredi, maximum 0 degré. CFNJ 98.9. She wore blue. Was the night softer than satin? Was the light from the stars? She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May. Her tender sighs, love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly, but when she left, gone was the glow of blue velvet, whoa, whoa. But in my heart there'll always be, whoa, whoa, whoa. precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Boo, boo, boo, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou. All those fishing boats with their sails afloat, if I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Boo, boo, boo, oh, to see my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'd be happier then on Blue Bayou. I'm going back someday. Dang and dang dang, ding and all ding, blue moon, moon, blue moon, dip, dip, dip, dip, dip, moon, moon, moon, blue moon, dip, dip, dip, dip, dip, moon, moon, moon, blue moon, dip, dip, dip, dip, dip, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang and dang dang, ding and all ding, blue moon. Dang, dang, dang, ding it on. Blue moon, blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really didn't care for. And then suddenly, oh dear, before me, the only one my heart will ever. Somebody whisper, please. dang a dang dang ding a dong ding boom. Our guardian star lost all his glow the day that I lost you. He lost all his glitter the day you said no, and his silver turned to blue. Like him, I am doubtful that your love is true. But if you decide to call on me, ask for Mr. Blue. I'm Mr. Blue. When you say you love me, Mr. Blue, then prove it by going out on the slack, proving your love isn't true. Call me Mr. Blue. I'm Mr. Blue. Say you're sorry, Mr. Blue, then turn around, heading for the lights of town, hurting me through and through. Call me Mr. Blue. I stay at home at night, I stay at home, right by the phone at night, right by. But you won't call, and I won't hurt my pride. Call me Mr. I won't tell you. While you paint the town, Mr. Blue, a bright red to turn it upside down. Et 88.9 CFNJ. The Fleetwoods au 99.1 CFNJ. Vous êtes toujours à Mélomanes, spécial bleu, en compagnie de votre dévoué Mathieu Lajoie jusqu'à minuit. Et oui, les magnifiques Fleetwoods avec Mr. Blue en 1959, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et sinon, on était dans les gros classiques ici avec Blue Moon des Marcells. Il y a littéralement des milliers de versions de Blue Moon. Mais y en a-t-il une de plus punchée, je vous le demande? On a aussi entendu ce cher Roy Orbison que j'aime d'amour avec sa voix opératique inimitable et à ses constructions de chansons uniques, surtout pour le temps, avec la belle Blue Bayou de 1963, chanson qui va redevenir un succès considérable avec Linda Ronstadt en 1977. Et c'était précédé la même année, soit 63 plutôt, comme on avait dit, de Bobby Vinton avec Blue Velvet. On aurait pu aussi mettre Blue on Blue de Bobby Vinton, composé par nul autre que Burt Bacharach, et Blue Angel de Roy Orbison, ou même encore mieux, California Blue, qui aurait été tout à fait de circonstance. Qui sait, si jamais on a le temps. Et on y retourne tout de suite avec une belle petite pièce de Marcel Amont et son accent du sud de la France très marqué, bleu, blanc, blond, au 99.1 CFNJ. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. J'ai besoin de vacances. Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. bleu bleu. Je m'embarque dans tes yeux. Bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu comme un ciel immense. Bleu bleu bleu bleu bleu et nous partons tous les deux. Bleu bleu le ciel de Provence. Blanc blanc dans le beau et dans le bateau blanc qui danse. Blanc blanc le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu bleu. Quand le vent claque la toile. Blanc blanc blanc. Blanc blanc blanc. Blanc blanc. De ton joli jupon blanc. Blanc blanc blanc. Blanc blanc blanc. Blanc blanc blanc. Blanc comme une voile. Blanc blanc blanc. Je navigue tête éperdument. Bleu bleu le ciel de Provence. Blanc blanc blanc le goéland. Le bateau blanc qui danse. Blanc blanc le soleil de plomb. Et dans tes yeux mon rêve en bleu. Cheveux d'un blond de rêve. Blanc blanc blanc, blanc blanc blanc, blanc blanc blanc. Des perles en flots légers. Blanc blanc blanc, blanc blanc blanc, blanc blanc blanc, blanc blanc. Sur une grève, blanc blanc blanc. Je voudrais naufrager. Bleu bleu le ciel de Provence. Blanc blanc blanc le goéland. Le bateau blanc qui danse. Blanc. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. As hard on their anger, none of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh. Fool. it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And the world turned around. but somehow you've changed. You're so far away. I long for the past and dream of the days with you. Madame Blue. Dressed in your flow I see. Blue eyes crying in the rain. When we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. And through the ages, I'll remember blue eyes crying in the rain. Où on a décidément écouté beaucoup de country, mine de rien, depuis deux semaines. La semaine dernière, Buck Owens, et cette semaine, Willie Nelson, qu'on vient d'entendre avec une de mes préférées, lui, Blue Eyes Crying in the Rain, tiré d'un de ses très bons albums, soit Red-Headed Stranger de 1975. D'ailleurs, on a été beaucoup en 1975 dans le dernier bloc parce que les deux pièces qui la précédaient étaient de la même année. On a entendu Sweet Madame Blue de l'album Equinox de Styx, un must pour un spécial bleu, et le groupe Chicago avec Ain't It Blue, tiré de Chicago 8, parce que c'est en chiffre romain, il faut prendre le temps de bien lire. Une chanson un petit peu moins connue de Chicago quand même. Et en début de bloc, The Who, avec leur Behind Blue Eyes de 1971, qui apparaissait sur l'album Who's Next, qui était tout d'abord destiné plutôt à devenir un opéra rock à la Tommy, qui se serait appelé Lifehouse. Et c'est un album qui est facilement leur plus grand succès, mais qui est loin d'être mon préféré, disons, d'eux. Les The Who ont beaucoup mieux à offrir, mais ça, on en reparlera plus longuement à un autre moment. Mais quand même, Behind Blue Eyes, elle, est quand même une très bonne chanson qui a été reprise au grand désarroi de tous par Limp Bizkit en 2003. Et sinon, tout ça avait étonnamment commencé avec Marcel Amon en 1959 et son succès Bleu, Blanc, Blond. Et là, comme d'habitude, on se revire sur un dixaine. Et là, n'oubliez pas, le seul lien qui unit toute cette belle musique, c'est la couleur bleue qui se retrouve généralement dans le titre. Je pense que vous avez compris, rendu là. Donc, on y va avec un multi-instrumentiste qui a commencé sa carrière en faisant ses albums tout seul dans son sous-sol. Un gars de qui on ignore souvent qu'il est un très bon guitariste et un gars que j'aurais jamais pensé mettre à l'émission, tiré de Purple Rain, un album qui va devenir un film un mois plus tard en 84. Prince et Computer Blue au 99.1 CFNG. Wendy? Yes, Lisa. Is the water warm enough? Yes, Lisa. Shall we begin? Yes, Lisa. Ah! fresh to death and sick as cancer. You said a drum, but I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those pictures before. Say you'll remember, baby, say you'll remember, baby, ooh. I will love you till the end of time. Big dreams, gangsta, said you had to leave to start your life. We'll be right back. était celui de l'amour. Blue jeans sur la plage, chacun de leurs frissons faisait naître une chanson. Blue jeans sur la plage, les jeunes se sont aimés tout au long des mois d'été. C'est l'automne, les larmes aux yeux, ils disent adieu avec l'espoir d'un retour. Blue jeans sur la plage, le vent de la grève viendra effacer leur rêve. Plage, leurs cœurs sont encore chauds de tous ces serments nouveaux. Blue jeans sur la plage, blue jeans sur la plage. Thank you. It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regard. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. And his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. By with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, L. Cohen. Dans l'intense, mes amis, on vient d'entendre Leonard Cohen à son sommet au 99.1 CFNJ, Méloman spécial bleu. avec une pièce où le temps s'arrête, l'espace d'un instant, Famous Blue Raincoat de Cohen et ses paroles renversantes qui ont la particularité de faire cet effet-là. Précisément, on était en 1971. Plein de surprises dans le dernier bloc. D'une part, de la musique assez récente, ça a fait de mal à personne. Et le tout dans un éclectisme déconcertant. On a entendu Lady Tron avec Blue Jeans de 2003, précédé des Hoolops. Et un must pour ce soir, Blue Jeans sur la plage. Donc, gros hit de l'été 1965 ici au Québec. Une reprise de Jimmy Clanton en 1962 avec Venus in Blue Jeans. Sinon, un peu de reggae en la personne de Lloyd Charmers avec Darker Than Blue en 1975, une reprise de Curtis Mayfield. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, mais j'avais dit récemment à l'émission que les Rastaman du temps de Marley étaient particulièrement friands de la musique du compositeur américain Curtis Mayfield. Eh bien, en voici une autre preuve. Et c'était précédé d'une pièce très récente, toujours intitulée Blue Jeans. Hein? C'était pas mal le thème du bloc. On a entendu Lana Del Rey avec son succès de 2012, qui suivait Prince and the Revolution et leur Computer Blue de 1984. Et là, je veux pas perdre le feeling de la pièce de Cohen. On continue à donner dans le poète Bob Dylan au 99.1 CFNJ. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands you're orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. Your empty-handed army is all going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Leave your stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue. Came to me and blew away.

quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire adieu. Petit enfant dans mon château, j'allais voir dormir la belle au bord de l'eau. La belle a grandi, mais mon beau château s'est envolé. Pour voler, voler, voler, voler, voler. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire adieu. Dans le grand jardin de mes parents, je jouais près d'une chaîne qui avait 100 ans. Si la chaîne est là, un petit enfant s'est envolé. Volé, volé, volé, volé, volé. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire adieu. Ma mère un jour a dû partir au pays des souvenirs. Je me souviens, mais son sourire s'est envolé. Pour voler, voler, voler, voler, voler. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire. La la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De retour à Méloman, spécial bleu au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on vient de passer à travers un bloc, disons, plus organique avec ses accents très folk. Tout d'abord, celui qu'on vient tout juste d'entendre, Roger Whittaker, en 1969 avec Mon Pays Bleu, un gars qui est né au Kenya et qui a passé une bonne partie de sa jeunesse en Afrique puisqu'il a fait ses études à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Roger Whittaker qui va se faire connaître de par le monde avec ses talents de siffleur exceptionnels et la pièce Mexican Whistler que je vous ferai certainement jouer un de ces quatre. On a aussi entendu un groupe peut-être un peu moins connu de 1995. Il s'agissait du groupe américain de country alternatif slash folk de Jayhawks avec la magnifique Blue. Sinon, juste des gros noms. Neil Young avec My My Hey Hey Out of the Blue en 1979, tiré du spectacle Rust Never Sleeps, que vous pouvez vous procurer en DVD. Très bon spectacle, en fait, qui avait même été nommé spectacle de l'année par Rolling Stone Magazine. Et c'était précédé de John Lennon avec Out of the Blue, Out the Blue, tiré de son album Mind Games de 1973, et de Bob Dylan avec It's All Over Now, Baby Blue, une pièce tirée de l'excellent Bringing It All Back Home de 1965. J'ai vraiment la tête dans les nuages. Et là, bleu, bleu, qu'est-ce qu'on fait jouer, mesdames et messieurs, au 99.1 CFNJ? Eh bien ça, deux pièces de 1977. Sleep. sur la vie, tes yeux couleur de solitude. Et souvent je te vis sur tes lèvres un goût d'inquiétude. Tu voudrais la tendresse malgré ce que tu peux en dire. Mais la peur des caresses t'empêche de sourire. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur, ces chagrins qui dévorent l'âge de la pudeur, s'en iront dans un mois, dans une heure, dans un mois, dans une heure. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur, tous ces jeux que tu joues, qu'on glisse à la rancœur. Les miroirs ne font pas le bonheur, ne font pas le bonheur. Maquille tes yeux gris d'un nuage de lassitude. Il s'imprègne à ta vie comme une odeur d'incertitude. Tu voudrais bien aimer en étant sûr de ne pas souffrir. Même les fleurs se fatiguent à force de s'ouvrir. Qui font des bleus au cœur, tous ces airs que tu prends pour cacher ta douceur finiront par ternir tes couleurs, par ternir tes couleurs. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur, et ces rires que tu lances quand tu es trop ailleurs, méfie-toi qu'il ne retombe en pleurs, qu'il ne retombe en pleurs. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur, ces chagrins qui dévorent l'âge de la pudeur s'en iront dans un mois, dans une heure, dans un mois, dans une heure. Ne vieillis pas avant que le soleil ne meure, car même si la vie prend juste un peu de fraîcheur, elle ne donne pas que des bleus au cœur, pas que des bleus au cœur. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, San Francisco se lève, San Francisco. Où êtes-vous, Lise et Luc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco. Où êtes-vous, Lise et Luc, Sylvia, attendez-moi. Better get ready. it's alright. So don't you give up now. So easy to find. Just look to your soul. Look to your soul. And open your mind. Maybe tomorrow, when he looks down, every green field, in every town, all of his children, every crystal blue persuasion. Other day, I hope these pretty flowers chase her blues away. I want some red roses for a blue lady. Send them to the sweetest gal in town. And if they do the trick, I'll hurry back to pick your best white orchid for her wedding gown. Silly quarrel the other day. I hope these pretty flowers chase her blues away. I want some red roses for a blue lady. Send them to the sweetest gal in town. Vous êtes toujours en plein spécial bleu, Mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Et on vient d'entendre Vic Dana en 1965 avec sa reprise d'une chanson qui datait déjà de 1948 à ce moment-là, soit la pièce Red Roses for a Blue Lady, qui était précédée de Crystal Blue Persuasion par Tommy James and the Shondells en 69. Et pour les férus de musique comme moi, il paraîtrait que Tommy James voulait un arrangement plus comme les Rascals, un autre groupe du temps. Et c'est vrai que les arrangements ressemblent à ceux d'une pièce comme Groovin' des Rascals qu'on a déjà entendu à l'émission. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. On a aussi entendu les Beatles avec une chanson de George Harrison, For You Blue, de 1970, tirée de l'album Let It Be. Mais aussi une flopée de belles chansons françaises qu'on n'entend plus malheureusement. Écoutez Maxime Le Forestier avec San Francisco, la Maison Bleue qu'on avait entendu dans le spécial folk, mais que j'ai pas pu m'empêcher de remettre ici. Magnifique chanson de 1972 tirée de son premier album Mon Frère. Et c'était précédé du Suisse Patrick Juvet avec Les Bleus au cœur que vous deviez tous connaître pour la plupart d'entre vous. Et sinon, une autre de 1977, de temps en temps, moi j'ai les plus, par l'Acadienne Angèle Arsenault. Et nous, on retourne en musique au spécial bleu du 99.1 CFNJ. I found my thrill. Et on vient d'entendre Michel Thor avec Midnight Blue en Irlande dans le cadre de notre spécial bleu Mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et oui, une reprise pour Michel Thor. Il s'agissait d'une chanson de Louise Tucker à l'origine, mais qui était un hit pas mal en même temps. Et ce qui est intéressant avec cette chanson-là, c'est que l'air a été composé par nul autre que le grand Ludwig van Beethoven. Mais oui, parce que l'air est basé en fait sur la sonate pour piano numéro 8 en Do mineur de Beethoven, deuxième mouvement, Adagio Cantabile, est très connu, qui est elle-même très similaire à l'Adagio de la sonate K457, toujours en Do mineur de Mozart. Mais ça, c'est une autre histoire. Et Midnight Blue, c'était aussi le titre de la pièce de Kenny Burrell qui la précédait, tirée de l'album du même nom de 1963. Excellent album en passant. Vraiment, si vous voulez vous familiariser au jazz avec quelque chose de pas trop menaçant, c'est vraiment un bon album de jazz bluesé, vraiment mélodique. Et la guitare de Kenny Burrell qui impose le respect, mais toujours avec goût. Et on a aussi entendu ce cher Fats Domino en 1956 avec son plus grand succès en carrière, Blueberry Hill évidemment, mais on parlait de guitare juste avant et j'ai envie de vous faire écouter quelque chose d'un peu spécial. En septembre 1970, à Chicago dans l'Illinois, B.B. King va aller enregistrer un concert à la prison de Cook County. Et là, on va entendre une dame présenter le spectacle de B.B. King en remerciant les organisateurs, dont le shérif. Et là, on voit comme que le public est peut-être pas si réceptif que ça. T'sais, faut pas oublier qu'on est dans une prison, mais B.B. King qui va venir sauver le show avec How Blue Can You Get au 99.1 CFNJ. Hello out there. We're about ready to begin our program. It's a beautiful day in Chicago, and we're going to have a wonderful time this afternoon. I want to acknowledge the presence of the man that made and named Mr. Winston Moore director, our own beloved Sheriff Woods. Thank you. I've been downhearted, baby. Ever since the day we met, I say I've been downhearted, baby. Ever since the day we met, you know, awful love is nothing but the blues. Baby, how blue can you get? You're evil when I'm with you, baby. And you are jealous when we're apart. I say you're evil. You're so evil when I'm with you, baby. And you are jealous when we're apart. How blue can you get, baby? A brand new Ford, but you said I want a Cadillac. I bought you a $10 dinner, and you said thanks for the snack. I let you live in my penthouse. You said it was just a shack. I gave you 7 children, and now you wanna give them back. Just a better. Oui, merci, merci tout le monde. Donc, c'était B.B. King avec How Blue Can You Get, tiré de son album Live in Cook County Jail de 1971. Live en prison, finalement. Écoutez, c'est déjà tout pour le spécial bleu. Et quand même, on a réussi à faire 3 heures sur un thème assez flou. Merci. 2-3 chansons seulement de blues sans jamais avoir le mot blues dans le titre parce qu'on s'était mis cette contrainte-là et que ça aurait été trop facile. On y est arrivé, je trouve ça intéressant, ça a réuni des artistes qu'on n'aurait jamais entendus ensemble et ça a créé notre petit monde bleu juste pour nous ce soir. Bref, j'espère que vous avez apprécié, ça a été très éclectique, mais quand même, vous êtes habitués, chers mélomanes, en vous souhaitant une bonne nuit. On se donne rendez-vous mercredi prochain à compter de 21h. Et ce soir, je vous laisse avec quelque chose de spécial pour boucler la boucle. Une grande pièce plus longue que ce que je vous ai fait jouer habituellement, mais prenez le temps d'écouter ça au moins une fois dans votre vie. Il s'agit d'une pièce de 1924 du grand George Gershwin, compositeur qui va souvent faire un amalgame de classique et de jazz, et même aux saveurs blues par moment. Et on va en avoir un bel exemple ici. J'ai donc le plaisir de vous laisser avec, dans une version de l'orchestre de Cleveland, Rhapsody in Blue, 99.1 CFNJ. Bonne nuit à vous.